passe à côté. T'es foncé, je conduis la coche. On vit la noche. Je lui parle pas là, elle est trop cotée. Elle est dure à coacher. T'es foncé, je conduis la coche. On vit la noche. Je lui parle pas là, elle est trop cotée. Il reste quoi au final?